Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique Copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. Beck a interprété la chanson Everybody's Gotta Learn Sometimes en 2004. La version originale de Corgi s'est parue en 1980. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna learn sometimes. Everybody's gonna learn sometimes. Everybody's gonna learn sometimes. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love. Sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Like the sunshine. Copie non conforme. En 1969, Lou Reed chantait Sweet Jane avec le Velvet Underground. Il a été repris par la voix féminine de Liz Phair en 2016. Save other peoples, they have to work. Watch me now. And then there's some evil mothers. Aw, they're gonna tell you that life. Wine and roses, copie non conforme. Les Belges de Pale Grey ont repris quant à eux le hit de Christophe, Les mots bleus. C'était en 2018. Christophe l'a sorti, lui, en 1974. De l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Il faudrait que je lui parle à tout prix.

white on white, translucent black capes back on the rack. Bela Lugosi is dead, the bats have left the bell tower. The victims have been bled, that velvet lines the black box. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead. Copie non conforme. Et pour finir ce copie non conforme, on écoute une version live de How Deep Is Your Love des Bee Gees par le guitariste des Red Hot Chili Peppers, John Frusciante. Suivra l'original des Bee Gees paru en 1977. And it's me you need to show. How deep is your love? didn't mean to throw you off there, I'm sorry. No, it wasn't you. I learned that song today. Oh. I may have to learn the Demented Fifth just to chime in there. It's good. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !